agis comme un moron. Pour ne pas dire comme con, les gens comme lui sont des drones. Les gouvernements investiront pour faire travailler ce gros ton. C'est le temps d'acheter, dit le vendeur. C'est le temps de vendre, crie l'acheteur. C'est le temps de dire n'importe quoi, dit le commentateur. C'est le temps de dire n'importe quoi, dit le commentateur. L'économie est au ralenti, c'est vrai parce que c'est écrit. Même si ça l'est par n'importe qui. Sa marge de crédit est comme un biberon. Lui et ses amis se gavent.